96.2 FM. Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. que tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Me ando con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. La mujer es guapa. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el aujourd'hui. Nous sommes le 23 septembre, il est quelle heure? Il est 16h07, ah ça y est, une pendule qui est à l'heure, enfin, ça fait du bien d'être là, en tout cas on est heureux d'être là tout cet après-midi. Quelques rayons dans le sol aujourd'hui, bah profitez parce que demain malheureusement la pluie va faire son apparition, on vous en parle tout à l'heure, c'est Francky dans la radio, 16h07. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Heureux de vous retrouver, et puis j'aurai de l'emploi à vous donner tout à l'heure. Si vous cherchez un poste de ravaleur, eh bien je vous en parle dans quelques minutes. Il y a une société qui recrute sur Orléans, en plus en CDI, donc ça peut être un bon plan pour vous. Heureux d'être là, Francky dans la radio, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez me joindre. N'hésitez pas, hein, allez-y, foncez, foncez aujourd'hui. Du son qui arrive avec Céline Dion, et c'est Gilet, où tu es là, le nom de la Calibou, sur Radio Arc-en-Ciel. Chez moi, les forêts se balancent, et les toits grattent. Les eaux déteignent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras de sel. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages ou des déserts en route. Des caravanes. Céline Dion sur un arc-en-ciel, heureux d'être avec vous. C'est Francky dans la radio, 16h10 minutes. La météo. La météo. Demain, le 24 septembre, ça passe à une vitesse folle. Hein. Le côté ciel, eh bien malheureusement, le matin, les pluies sont au rendez-vous. Ah ouais, mauvaise nouvelle, pas mal de pluie. Le soleil fera son apparition, mais qu'en fin d'après-midi. Hein, et léger, léger. Donc demain, prévoyez le caouet à l'ancienne. Les bottes de pluie aussi, ça c'est le bon plan. Et voilà, malheureusement, les températures 12 degrés au lever du jour. C'est pas mal quand même, hein, jusqu'à 22 degrés. Mais la pluie sera présente avec beaucoup, beaucoup de nuages. Donc si vous êtes en train de vous faire bronzer en encore aujourd'hui, bah, profiter de ces derniers rayons d'eau le sol. 17h30, il sera dans le studio, c'est Fabien Dumas. Tiens, je vais les connecter sur mon live Facebook. Salut Fabien, il va nous faire une chronique hein, sur tout ce qui se passe, un petit ce qui se passe dans l'actu insolite ou pas. Hein, voilà, actu régional, national. On va sûrement parler du Festival de Loire. Hein, vous étiez nombreux et nombreuses au Festival de Loire. Eh bien, il sera notre journaliste à 17h30 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, on va accueillir aussi le Théâtre de Gilly, une association qui sera dans les studios dans quelques minutes. Et puis, Maître Gims qui arrive. After Job avec Franck. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Chérie, la vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bueno, ya tú sabes que la unión hace la fuerza y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. Sube, sube, sube. Yeah. Con las manos arriba, si tú ya estás loco.

mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. C'était bon ça, Jimmy Cassel avec Figo Makelele. Bah, on est heureux de vous retrouver, Francky dans la radio, 16h21, comme je vous le disais. Il sera notre invité, c'est Jean-Jacques dans les studios de la radio. On va parler de théâtre amateur. Et c'est vrai que ça fait du bien un peu de parler de théâtre sur Radio Arc-en-Ciel. On va parler du théâtre de Gidi, le tag qui sont nos invités de tout à l'heure, aux alentours de 16h30. Une belle association qui existe depuis très longtemps, je suppose. Mais on en saura plus à 16h30 avec Jean-Jacques, qui est dans les studios de la radio et notre invité aujourd'hui d'honneur. Eh oui, la semaine dernière, on a eu Martine Griveaux, la responsable du Festival de Loire. Et ben là, on parle théâtre. Et puis 17h30, notre journaliste sort là, Fabien Dumas, pour nous parler de l'actu nationale, internationale, locale, insolite. C'est tout de suite à l'arc-en-ciel. Et puis vous l'adorez, voici Kevin Kinvey. Eh oui, forcément, les filles, ça vous fait rêver là. La vie du bon côté, c'est Kevin, c'est la famille. Pour que je me sente vexé, les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est lui passé. Je cessais de la monter pour frotter la vie à pleine dents. Je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vainement. Rien ne changerait ces événements. Non. Profiter est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine dans ses selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais pleinement. Qu'un changerait ces événements. Pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Y arriver. Mais ouais, si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, 16h25. On est heureux d'être là avec vous. Christophe qui est là. Salut mon Boud, mon pompier préféré. Salut François, salut Rosalie, salut Jean-Pierre, Gabel. Vous êtes nombreux sur la radio couleur. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, ça nous fait plaisir. La semaine dernière, était notre invité, c'est Martine Griveaux qui était dans les studios de la radio, justement pour nous parler de ce beau festival noir. Vous étiez aussi nombreux. On en parlait tout à l'heure avec notre journaliste Fabien Dumas et notre invité tout à l'heure dans moins de 5 minutes. On va parler de théâtre de Gidi. Il est là, c'est le tag à Gidi, pardon. Je sais plus son nom. Jean-Jacques, voilà, cherchez le prénom. Jean-Jacques sera notre invité. Bougez pas la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Ah, je m'en mêle les pinceaux des fois. Mais bon, il sera là en moins de 5 minutes. Côté ciel demain, je vous le rappelle, jusqu'à 22 degrés. Malheureusement, la pluie va faire son apparition. Ça, c'est pas très bon. Mais bon, ça va faire du bien. Ça va arroser un petit peu. Et c'est vrai qu'on manque cruellement d'eau dans le Loiret et puis aussi partout en France. Donc, qu'il pleuve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, de l'eau. Enfin, il y en a beaucoup qui se disent, ah ouais, ça y est, ça arrive, ça arrive. Et puis, on va parler aussi de demain, il y a des grèves qui arrivent, ouais, en Nassio. On va en parler tout à l'heure avec Fabien Dumas, notre journaliste. Voici Ginza. Et Binza, c'est sur Radio Franciel. Ginza, toma. Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar. Se muerde los labios y se mueve bien sensual. Si dudas de mí, de todo lo que te haré. Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Remix, toda la noche lo que vive y como lo quiera. Quiero que se transforme y que saque lo de fiera. Que grite como tú quieras, reggaetón que te quema. Valemos toda la noche que yo corro con lo que sea. Vente, que quiero perderme. En tu mundo de pasión, dañémonos la mente. Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente. Déjame sentir tu piel como se siente. Y si te entregas más, más tengo para ti. Reggaetón, más trabajo, mucho amor y sexo. Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo. Ven, devórame con mi cuerpo. De lejos me observo y quisiera que te acercaras. Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasada. Suéltate el pelo, alójate, saca paseando modelo. Lúcete, ven que te invito. Hasta el infinito de tu noche la mejor. Vacila con los favoritos. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si todo me gusta de ti, ya ni como ni duermo. Desde el día que yo vi tu cuerpo, aquí me tiene como un enfermo. Nuevamente te tengo. El Rayos del Sol avec Ginza, Binta. Salut mon François qui est là. Salut Polo, je salue Polo aussi de l'autre côté de la radio. Salut mon ami, heureux de vous retrouver. Dani aussi qui est là. Salut Dani, salut Jean-Pierre. C'est Francky dans la radio. Marquito qui arrive côté ciel. Et bien demain, je dis jusqu'à 22 degrés. On l'a reçu plusieurs fois la radio, on adore ce Portugal. Voici Marquito ou Lusitana. Et puis notre invité Jean-Jacques qui arrive juste derrière. On va parler de théâtre. Não há nada sem trabalho à demora. Nunca sacado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu nasci ver. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Só pode ser. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Sem trabalho a demora, nunca é sacada, chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Lusitano cheio de amor, orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. C'est vrai qu'on l'adore sur la française. Marquito qui est venu pas mal de fois nous voir le matin à l'époque hein, à la radio. Et on le salue au passage au Marquito. Et l'invité du jour, il est là, c'est Jean-Jacques. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et ouais, c'est maintenant l'invité du jour. On va parler de théâtre aujourd'hui, on va parler d'amateurisme, d'amateur, je sais pas comment on dit. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Comment il va bien? Ça va, très bien. Tu m'as dit, c'est ma première radio. Voilà. Oui. Il faut innover, il faut inaugurer, un jour ou l'autre. Hein. T'as déjà fait des interviews par téléphone, c'est ça? Tu m'as dit. Voilà. Oui. Mais jamais en studio en direct. Non. Bah voilà, bah, comme Manu m'a contacté, hein, Manu c'est un ami, il m'a dit, ouais, j'aimerais qu'on parle un peu du théâtre, on fait du théâtre amateur, on parle pas assez de nous, on a pas mal de choses à dire, à faire, on fait des spectacles, on fait des choses bien, donc voilà, je me suis dit, tiens, bonne idée, inviter un théâtre amateur, un théâtre, une association qui s'appelle le TAG, alors TAG ça veut dire, je suppose, théâtre amateur de Gidi. Voilà, parce que vous êtes de Gidi. Eh oui. Alors Gidi, c'est pas loin d'Orléans, c'est où, aujourd'hui? Oh, c'est au nord d'Orléans. Ouais. Et très connu en ce moment. Ouais, très connu, j'ai dit, une belle ville. Alors, théâtre amateur, vous êtes combien dans la troupe, on va dire, à jouer sur scène? Alors, sur scène, nous sommes 8. Ouais, ah ouais, ça fait du monde quand même. Oui, et puis on a des petits jeunes et d'autres qui aident, donc environ 30 personnes. Ah oui, quand même, donc ça fait du monde, une oui. Belle association alors. Qui est le c'est toi le président? C'est moi le président. Président. Ça fait combien de temps que tu es président justement du théâtre de Gidi? Bah disons, on change tous les 4 ans. Ouais, et toujours réélu ou alors ça a changé depuis? Non, moi ça a changé il y a 4 ans et ça va certainement changer à la saison, à la fin de la saison. Là. Pourquoi certainement? Tu as envie de partir? T'es fatigué? Bah, disons, faut passer le relais ouais. À d'autres personnes. D'autres personnes, ouais. Tout d'autres idées peut-être, c'est ça aussi dans... Éventuellement. Ouais. Ouais, éventuellement. Enfin, je reste dans la troupe. Ouais, hein. Tu joues sur scène, toi? Ah, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, pourquoi aujourd'hui le théâtre, toi, et puis peut-être toi personnellement, le président de l'association, pourquoi avoir choisi le théâtre? Bah parce que j'aime bien ça. Ouais, c'est depuis quand? Depuis tout petit ou là ça t'est venu comme ça un jour, tu t'es dit? Disons que j'avais un ami qui jouait dans cette troupe et puis quand je suis arrivé en retraite, j'ai dit je ferai bien ça, hein. C'est ça? Oh non, je m'ennuyais pas. T'es comme Michel, notre animateur radio là, ça fait 30 40 ans qu'il est là. Non, j'ai alors parce qu'ils me parlaient on a toujours des problèmes d'hommes. Ouais. On recherche toujours des hommes. Ah oui, c'est plus facile d'avoir des femmes que des hommes sur le théâtre. C'est vrai. Ouais, hein, hélas, donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur scène, là nous sommes trois hommes ouais. et cinq femmes. Hein, et celle qui nous dirige est une femme aussi. Ah, Claudine. Comment on appelle metteur en scène, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Metteur, ça se dit encore féminin, masculin, metteur voilà, en scène. Ouais. Ouais. Elle dirige tout, elle prépare les spectacles, les scènes de théâtre. On fait le choix de la pièce ensemble, ouais. hein, déjà, et puis ensuite, si ça nous plaît, on se dit, bon, on va jouer cette pièce pour la prochaine scène. Des pièces, c'est quoi? C'est des reprises ou alors vous faites des créations aussi? Ah non, c'est que des reprises. Et ouais. puis, disons, là, actuellement, on a choisi une pièce d'un auteur belge. Ouais. Parce que, disons, que sur la région, il y a beaucoup de troupes comme les nôtres, ouais. comme la nôtre, et de ce fait... C'est pour se démarquer, on va dire. Ben oui, parce que il arrive que, disons, on joue les mêmes pièces. Hein. Ah, en même temps ouais. Pas en même temps, en même mais, temps, mais ouais, dans la deux même ou année, trois quoi, années ouais. d'écart. Quoi, hein. ah, ouais, Par donc... exemple, l'année dernière, on a joué une pièce qui a été jouée à Pathé, qui a été jouée à Ormes, qui a été jouée... Ah ouais, donc c'est pas les gens vont pas voir, justement, par rapport à ça. Ils viennent quand même. Ouais, mais... parce que par rapport au personnage, vous, toi, hein, d'autres. Ils connaissent l'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais l'histoire, elle est pas jouée pareil, peut-être. C'est exactement. Ça, c'est ça qui est important aussi. Aussi, oui, oui. Parce que tu peux passer d'une pièce qui est exactement la même, qui est jouée par d'autres personnes, mais qui n'est pas du tout jouée pareil. Exactement. Hein, dans le vocabulaire, dans l'expression, etc. C'est important, l'expression. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est plus joyeux, plus triste, ou tu sais tout jouer? Joyeux, joyeux. Ouais, plus joyeux, ouais. T'aimes jouer le joyeux. En général, oui, oui, ouais. oui. Tout à fait. D'accord. Ça fait combien de temps que le théâtre existe, tu m'as dit? Disons, le TAG par lui-même, c'est 18 ans. Ah ouais? Hein, mais à Gidi, il y a toujours eu une troupe de théâtre. D'accord. Depuis au moins plus de 30 ans, oui. Ah ouais, 30 ans. Ah oui, ouais, oui, ouais. Même, oui. Donc c'est vraiment une passion pour la ville de Gidi, quoi. Tout alors. À fait, oui. Ça a oui. toujours existé. Voilà. Vous êtes alors une association, vous êtes financé par les entrées, je suppose, disons que. Des spectacles. Nous. La mairie, vous êtes un peu? Ouais. Non. Pas du tout. Elle nous aide, disons, on ne demande pas de subvention comme ça. Il vous prête la salle quand même. Il nous prête la salle. Ah bon, bah oui, parce que sinon on l'appelle tout de suite, hein, en direct, le maire de Gidi. Non, hein. non, non. Il est sympa le maire. Ouais. Oui, oui, oui. Il vient, il vient. Bon, vous l'invitez? Même pas, il vient. Il vient gratos. Il vient. Il rentre à l'œil. De toute façon, c'est gratuit l'entrée. Ah, donc, c'est gratuit? Oui, oui, oui. C'est un don qu'on fait en fait, les gens. Et les gens, ben, disons, ils laissent quelque chose au ouais. programme. D'accord. Qui sont distribués par des enfants, des acteurs et autres. D'accord. Donc, non. C'est entrée libre avec. On donne ce qu'on veut en fait. Voilà. Si on veut donner un 10, on fait donne pas 10. Le chapeau. Certaines troupes font un chapeau à l'entracte, par exemple. Et nous, non. Les gens donnent ce qu'ils veulent. D'accord. Voilà. Et ça va, ça se passe bien en général. Oui, oui. On arrive à vivoter parce que les associations, c'est quand même assez un peu plus compliqué qu'avant, on va dire. Maintenant. Non, on vivote. Mais on vit correctement quand même. Hein. Donc, oui, bah c'est bien. C'est voilà, bien. L'essentiel. Les gens sont quand même généreux. Je les remercie d'ailleurs. Des pièces connues que vous avez jouées, par exemple. Je sais pas, par exemple, je vais dire une bêtise, peut-être Le Père Noël est une ordure. Est-ce que vous l'avez déjà joué celle-là? Non. Non. Non. Ça serait bien. C'est une idée, non? Je sais pas. Ça peut être une idée. Il y a d'autres troupes sur Orléans qui l'ont fait. Mais bon, c'est pareil. Il y a beaucoup d'acteurs, là. C'est une dizaine d'acteurs. Ah ouais. Donc, on choisit en fonction du nombre qu'on est. C'est ça. L'année dernière, nous étions 10, donc avec deux jeunes qui nous ont quittés cette année parce que faute des études et il faut vivre. Alors donc, ils sont obligés de travailler et quand ils travaillent avec leurs études, ils travaillent la nuit. C'est pas possible. Ou le soir, donc ils peuvent pas venir répéter. Ouais, pour les jeunes, c'est alors, pas facile. Donc, ils ont fait un break là. J'espère qu'ils vont revenir. Ouais, voilà. Ça serait quand même dommage. Ouais. Et puis, comment dirais-je? Non, là on a fait une pièce, là, disons, les dernières, qui était 30 km à pied. Bon, cette pièce-là a été jouée à de nombreux endroits et disons, on a quand même eu un vif succès. Est-ce que sur les pièces connues, vous avez des retours des spectateurs en vous disant ah, j'adore, c'est même mieux que l'original? Je ne sais pas si ça existe, peut-être. Non, pas mieux, mais non, c'est équivalent, par exemple. Ça peut être équivalent. Alors, gens sont toujours satisfaits parce que ils nous connaissent, alors bon, ils nous flattent toujours un petit peu quand même. Oui, c'est bien. C'est bien, voilà. C'est bien de flatter. Puis ça nous encourage. Hein. Alors comment on procède pour répéter une pièce? Vous avez choisi une pièce, on a pris l'exemple du Père Noël est une ordure. Cet exemple, par exemple, on la lit. On la répète comment une pièce? Tout le monde se convoque, on vient à la salle. On la lit, on le recueille et puis on lit la pièce. Et puis si ça nous amuse, si on rit rien qu'en la lire, ouais, en déjà. La lisant, pardon, eh bien là, à ce moment-là, on prend cette pièce-là. Ouais. Alors après, ben... c'est le metteur en scène qui décide des rôles de chacun. D'accord. Un petit peu en fonction de la mentalité, etc. En général, elle se trompe pas. Tu dis justement, on lit les pièces. Ça vous arrive de lire des textes, des pièces, par exemple, et ça vous intéresse, ça vous donne pas envie, en fait. Cette année, ça a été dur puisque on a bien lu 7 ou 8 pièces avant de décider de celle-là. Ah oui, quand même. Ah oui. D'accord. Oui. Ça demande, disons, au moins 5 à 6 séances avant de choisir la pièce. Les répétitions, il y en a combien? Alors les répétitions. Ouais. On fait une répétition toutes les semaines, disons tous les mardis soirs. Ouais. Et en général, on commence au mois de janvier, et puis on s'arrête aux vacances scolaires d'été, et puis Noël, la Toussaint, etc. C'est un peu comme l'école, quoi. Comme l'école. Voilà, c'est ça. Est-ce que dans le théâtre, il y a toujours un souffleur? Parce qu'il y a des bugs, sûrement, sur scène. Oui. Ça existe toujours le gars qui ou la fille, je sais pas. Il y a toujours des souffleurs. Des souffleuses. Des souffleuses, ouais. Ouais, ça existe toujours. Disons que certaines troupes les refusent, mais nous, on les accepte toujours. Ah, il est toujours planqué avec. Derrière le rideau. Oui. Ah, derrière le rideau, oui. Avant, c'était devant la scène dans une petite. Oui, une cage, mais. Une cage, ouais. C'est fini, ça. Nous, ça existe encore. Ah, ça existe encore. Et c'est rigolo. Quand on finit, on présente les souffleuses. Ouais. Et ça arrive qu'il y a des bugs, justement, sur scène. Ça arrive. On redonne le texte. Oui. Ça va être quelque chose, ça, quand même. Ça t'est déjà arrivé, toi, Jean-Jacques, personnellement? Oui, absolument. Alors, du coup, je me déplace vers la souffleuse, carrément. Comme ça, les gens, ça les fait rire. Oui, c'est quoi le texte? Ok, d'accord. Ça peut être rigolo. Oui, ça peut être rigolo sur la scène. Alors, vous produisez quand? Où? Il y a quoi le prochain spectacle? Alors, c'est une pièce qui s'appelle Sacré Canaille de Charlie Stass. Ça pourrait être. Ça aurait pu. Et nous allons nous produire le samedi 12 octobre à 20h30, le dimanche 13 octobre à 15h. Et la semaine suivante, le vendredi 18 octobre à 20h30 et le samedi 19 octobre à 20h30. Non, ça fait des. Ça fait 4 représentations. Ça fait du boulot, ça. Combien de temps? Une heure, non? C'est une pièce qui dure une bonne heure et demie, oui. Ouais, au d'accord. moins 90 minutes. C'est long sur scène, hein? Non, ça va. Ça passe vite. Vous alternez parce qu'il y en a qui rentrent, qui sortent, qui se calment derrière. Oui, il y a toujours, disons, tout le monde n'est pas ensemble sur scène. Hein, donc, Ça va pas être trop chiant pour le mec ou la fille qui joue le plus petit rôle, qui reste 3 minutes sur scène ou à peine? Non, ça existe, oui, ça? Ouais, ça arrive. Hein, j'ai commencé comme ça. Ouais. Ma première pièce que j'ai jouée sur Gilly, j'ai eu un rôle de 3 répliques à la fin. Bonjour, non, merci, je ne veux pas. Et au revoir, c'est fini. Non, ça va être. C'est le choix des pièces. Ça apprend le métier aussi. Oui, voilà. Le track, il existe toujours avant de monter sur scène? Pas trop, non. Ça a été que la première fois. D'accord. Que la première fois. Donc, des dates à rappeler, on vous le, au mois d'octobre, voilà. Les prochaines sessions. Spectacle à Gilly. À Gilly, oui, au Gideum, là, dans la grande salle. Et cette pièce, si vous voulez, parle. Alors, c'est quoi justement la pièce? C'est une histoire qui se déroule dans une maison de retraite. Ah. Et ça par temps de canicule. Donc, il va faire chaud sur scène. Il va faire chaud, c'est le cas de le dire. Donc, les pensionnaires, ils souffrent de cette canicule, bien sûr, mais aussi d'un papy blues. Papy blues. D'une déprime consécutive à une très grande oisiveté. Mais il y a une directrice qui va remonter tout ça, qui va prendre des initiatives et puis elle va organiser des activités de remise en forme et puis contraindre tous les résidents de cette maison de retraite de relever de nouveaux défis. C'est pas triste. C'est pas triste. Non. Tu crois que le blues il existe toujours dans les maisons de retraite? Il y en a encore? Je pense quand même. Ouais. Justement. Donc, si vous voulez, alors, c'est le thème est un petit peu, j'irais, noirci, un petit peu, parce que on est à l'aube de la fin de vie, quoi, de notre vie. Donc, mais bon, ça fait partie de la vie en communauté. Il y a de l'amour, il y a la vieillesse. On parle de la mort aussi, bien sûr, mais sur un mode humoristique. Toujours dans l'humour. Donc, et on respecte les gens, quand même. Bien sûr, oui, heureusement. Oui, bien sûr. Mais c'est drôle. Ça va être drôle. Ça va être sympa. Il n'y a pas de porte qui claque parce qu'on est beaucoup plus calme quand on est vieux. Oui, c'est ça. Donc, on va rappeler les dates, Jean-Jacques, à Gilly. Donc, rappelle les dates. Le samedi 12 octobre, le dimanche 13 en après-midi, et le vendredi 18 et samedi 19 octobre en soirée 20h30. Voilà, le blues de la maison de retraite. Voilà. La canicule. Comment se passe justement cette canicule dans une maison de retraite? Eh bien, on vous invite à rejoindre toute cette troupe sur scène à JD, le tag Théâtre Amateur de JD. Belle association qui existe depuis des années, des lustres. Voilà. Comme la maison de retraite. Voilà. Un dernier mot à rajouter, peut-être, Jean-Jacques? Non, non, j'espère que vous viendrez nombreux. Bah moi, j'aimerais bien venir découvrir. Ouais, je viendrai certainement, je ne sais pas quelle date. Je vais réfléchir. Je laisserai une invitation. Avec plaisir. Est-ce que c'est gratuit? Ouais, mais ouais, c'est gratos. Donc, je viendrai. Non, mais je viendrai peut-être le dimanche, là, le 13. Voilà. Plus le dimanche 13. C'est à quelle heure le 13? C'est à 15h. Ah, ça va. Bah, pour moi, ça va parce que je me couche tard, mais 15h, ça ira. Ouais. Oui. Ça peut être sympa. Non, mais j'ai le temps de faire la sieste avant. Une petite sieste, voilà. Jean-Jacques, on va se quitter, si tu veux bien. Merci, Francky. Bah, tu reviens, hein, tu reviens de temps en temps, si tu veux, parler justement du théâtre amateur de JD. C'est bien de parler des associations qui se bougent comme ça. Et puis, les gens de l'autre côté de la radio, ça change un petit peu de parler de théâtre. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'y va peut-être pas assez au théâtre, on n'y pense pas. Après, il y a le théâtre d'Orléans, bon, c'est assez payant, c'est à notre dimension. Mais tout ce qui est amateur, etc., ça peut être sympa. En plus, c'est gratos. Hein. Oui. On laisse ce qu'on veut, c'est sympa. Il y a quand même beaucoup de troupes, hein, dans le nord d'Orléans, dans la Beauce, là. Ouais, ouais. Hein, sur Chevilly, Orme, Ingrès, Pathé, etc. Il y a des troupes de théâtre. Terminé, bon, là, Terminé, c'est l'Eure-et-Loire, mais bon, c'est pas très loin de chez nous quand même. D'accord. C'est la frontière. Merci. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques avec un feu sur la langue. On vous rappelle le théâtre amateur de JD, le tag, hein, sur scène. Ne les ratez surtout pas. Hein, et puis allez les voir à JD. C'est pas très loin en plus de Fleury-Saran, dans le nord. Hein. Bon retour dans le nord. Salut Jean-Jacques, bonne journée à toi. Merci Franck. Merci la radio, on est en direct. Et puis notre journaliste qui sera là à 17h30 pour parler des actus. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers des heures et des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir, me demander où tu peux bien aller.

j'ai allumé le feu. Que Dieu continue mes chagrins, mes plaisirs. Bien, c'est la nuit, oh ouais. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Yeah. Avec leur trémolo. Each and every day, like I would tell you. Balayer pour toujours. Swinging right along the way. Je repars à zéro. I have no regrets, I love you, baby. No. Rien de rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, each and every day. Aujourd'hui, right along the way, ça commence avec toi. Now hear this. That you can trust in me, and I'll be trusting you. And that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and of course I will tell you. But I have no regrets for loving you. Cause I see that you're interested in me, baby. And I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I say is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I would tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. And I say that, I say it over and over and over again. Yeah, baby, stick them out of bed and I will tell you when I want to see you again. Never, never, never, never would I ever, ever, ever do that again, baby. Turn my back on you. Et vous êtes nombreux à l'aimer cette version d'Anna Kill. Non, rien de rien, je ne regrette rien. 16h58. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis on a des offres d'emploi aussi l'après-midi. On a une société du bâtiment qui recrute sur le bassin d'Orléans. Elle recherche un chef d'équipe ravaleur. Alors un homme ou une femme expérimenté en peinture ravalement, sachant faire de l'isolation par l'extérieur, pour joindre une équipe dynamique en contrat CDI de 39 heures. Alors si vous êtes intéressé et correspondez au profil, eh bien vous m'appelez au 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00 et je vous communique les coordonnées de la société. Voilà, si vous êtes intéressé par le poste de chef d'équipe ravaleur, hein, 02 38 43 48 00. Loquet Passo qui arrive et puis Doula, Doula sur la console avec Daddy et Yankee. Saluda a toda la nena que paraliza la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde? El Daddy Yankee, le son soleil à 17h01, vous rentrez du boulot, et bien belle journée à vous, belle journée, bonne fin d'après-midi, la météo qui arrive, et puis on va vous parler d'un mouvement de grève qui est annoncé pour le 24 septembre concernant la fonction publique territoriale, on vous en parle sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Ouais, c'est sur le plan nation, hein. Un mouvement de grève est annoncé pour le 24 septembre, demain, donc, concernant la fonction publique territoriale. Pour ces raisons, l'ensemble des services municipaux risque d'être perturbés. Restaurants scolaires, accueil, préscolaires, etc. La ville de Fleury m'ont communiqué un peu ce qui serait ouvert ou fermé. On va faire un petit point rapide, là. Alors, côté maternel, donc, Louis Aragon est bien ouvert demain, donc, toute la journée. Jacques Brel, maternelle élémentaire, est bien ouvert demain aussi. Par contre, Pierre et Marie Curie, les maternelles seront fermées. Voilà, le matin, faites attention. Fermé également Maurice Jourdain. Voilà, donc ça sera fermé le matin. Côté élémentaire, Marie Curie seront fermées l'après-midi. Ouais, donc faites gaffe, hein. Faites gaffe. Côté Jules Ferry, ça sera fermé les restaurants scolaires demain. Faites gaffe à Jules Ferry. Jules Ferry fermé. Henri Belton sera fermé restaurant scolaire demain matin aussi, voilà. Et Louis Pergaud seront fermés aussi les maternelles demain matin, le restaurant scolaire. Donc voilà, un petit info. Alors pour avoir la grille totale, vous allez sur la ville de Fleury-les-Aubrais. Elle est en ligne. Ça va vous donner de plus amples informations. Voilà, c'est en ligne. Hein. Loque Passo, ça arrive. Son caliente sur l'arc-en-ciel. Et puis Fabien Dumas qui arrivera à 17h30. C'est bien. Un caliente, Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. 16h, 18h, c'est Francky dans la radio. La météo. Demain, 24 septembre, eh bien, malheureusement, mauvaise nouvelle de la pluie demain matin, au lever du jour. Et ouais, les températures sont plutôt correctes encore, hein. 12 degrés le matin, ça va faire du bien, jusqu'à 22 l'après-midi. Malheureusement, le ciel est chargé, nuageux et couvert de pluie. Et ouais, donc demain, préparez le parapluie, le kawé pour les anciens, les bottes aussi. Ça va faire du bien, un petit peu d'eau, un peu de pluie. Et ouais, heureux d'être avec vous, un peu de bachata qui arrive avec Mi Puedo Motarde. Ah, c'est la Bacha Eggs, c'est sur Radarc-en-Ciel. Belle fin d'après-midi, bon début de soirée pour ceux qui viennent d'arriver. 17h07, 17h30, ça sera Fabien Dumas qui sera dans les studios, va nous parler de l'actu, nationaux, local, insolite. Et ouais, on va se marrer un petit peu avec lui. Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz. Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás. Sentimiento, torito. Pero de repente todo cambia, te hago falta a ti, me llamas para atrás. Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más. Ay, man, será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final. Avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. j'adore là, ce passage. Alicia Keys, non, personne, personne, no one. J'adore cette fille, 38 ans quand même déjà, hein, ça passe, toujours aussi belle. Elle a commencé la musique à l'âge de 7 ans, ouais, toujours belle femme. Hein. Je suis en train de mater quelques photos là sur son Facebook. Magnifique, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Dans moins de 15 minutes, c'est Fabien Dubas, notre journaliste qui sera dans les studios. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h. Sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Allez, direction la ville de Nantes, ça s'est passé samedi soir à Nantes. Il a dîné, un jeune homme de 25 ans a dîné pour 444 euros. Bon, un bon repas, hein. Il avait pris une belle bouteille de champagne haut de gamme à plus de 200 euros. Puis la suite du repas dans un très grand restaurant de Nantes s'est avéré plutôt pas mal pour lui. Hein. Donc il a bien mangé et du coup, bah, à la fin du repas, il a décidé de pas payer. Donc il est parti en courant, il a pris ses baskets, il est parti en courant du restaurant. Il s'est fait rattraper par les serveurs parce qu'imaginez-vous, 444 euros, le serveur est quand même responsable de sa table, donc pour lui ça aurait été peut-être des soucis après par la suite. Donc rattrapé par les serveurs, les services de police sont arrivés et du coup il était vraiment connu du service de police qui l'ont mis en garde à vue. Voilà, 444 euros, il s'est fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui est tout seul qui prend pour 444 euros, faut quand même se méfier, hein. Ouais, on sait jamais. Fabien Lema sera là à 17h30 pour l'actu nation, actu insolite, actu régionale aussi, ça va faire du bien, voir ce qui se passe un petit peu dans la région. Et puis Grégoire qui arrive avec ses camps, c'est sur la console, c'est tout de suite. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est vrai qu'on s'est perdu un petit peu lui avec Greg, comme je l'appelle Grégoire. Voici ses camps, c'est sur la console, c'est tout de suite. C'est quand que tu viens, c'est quand que tu passes, c'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives, dans combien de temps. C'est quand t'arrives et que tu me dis allez viens, viens maintenant c'est le moment. Dis-moi c'est quand. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence. Ça s'unit cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ. C'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir. C'est quand tu décides, c'est quand que tu oses. C'est quand le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose. C'est quand je veux y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire, et c'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. Oh. Oh. C'est quand tu m'embrasses, c'est quand le désir, c'est quand qu'on se trace sur des routes inconnues à bouffer. C'est quand tu m'appelles, c'est quand t'hésites plus, c'est quand l'éternel, même si on se plante pas grave, je suis déjà perdu. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le bonheur, c'est quand que tu m'aimes, c'est quand que tu m'aimes. C'est quand que tu passes, c'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives. J'adore ce mec Grégoire, hein. J'ai connu ses débuts à la radio, qui m'avait d'ailleurs à l'époque offert son disque d'or et il m'avait invité à l'Olympia, hein. Greg, comme on l'appelle, c'est grand, c'est tout de suite. Allez, on va vous parler d'emploi tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Non, c'est pas l'invité, Francky, c'est le jingle de là. C'est celui-là, bah ben oui. L'After Job avec Francky. C'est tout de suite. L'invité, c'était tout à l'heure. 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FR. D'ailleurs, je deviens bigleux, je vois plus rien, moi. On vous offre du job, si ça vous intéresse. Une entreprise de bâtiment située sur le bassin d'Orléans recherche un chef d'équipe ravaleur. Homme ou femme, peu importe, expérimenté en peinture, ravalement, sachant faire de l'isolation par l'extérieur pour rejoindre une équipe dynamique en contrat CDI de 39 heures. Alors, si vous êtes intéressé, vous me contactez tout de suite à la radio au 02 38 43 48 00 et je vous laisse les coordonnées de la société. Et je vous rappelle, un chef d'équipe ravaleur, homme ou femme, peu importe, en CDI 39 heures. Et CDI, ça vaut le coup. Maintenant, des CDI, c'est rare. Hein. Eh bien, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Malouma qui arrive et puis je vois aussi arriver le beau gosse de la radio. C'est Fabien Dumas dans les studios qu'on va accueillir dans moins de 10 minutes. Estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah. Comenzó con un beso apretado y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah. Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y lo quiere en el piso. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Mamacita, yo te vi, me gustaste tanto. Pasaste por el lado y me quedé mirando. Sentimos una conexión de inmediato. Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby. Es que tu cintura candela, te pegas y ya siento que tu piel me quema, morena. Descontrola mi sistema, tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena. Y es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta. Y por más que trato, no se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Aquí otra vez estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños. Yeah. Comenzó con un beso prestado y terminó un poco más descarado. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? No se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene, fue sin aviso. Me tiene la mente en la luna y lo que en el piso. No se me quita. Qu'est-ce que je chante bien, Fabien Dumas qui fait du tri dans ses fiches. Je me croirais au trésor de... Hey, j'ai l'impression que tu vas démarrer le trésor de Perdo là. Ah bah je le remplace, je crois. Hey, je te promets, hein, je t'ai regardé là, j'ai eu la technique. Hein, non mais je guette, hein, dès qu'il prend sa retraite, paf, je postule ouais. À TF1. Ah ouais, d'accord. Ça va Fabien Dumas? Et bah, écoute, en ça forme va, ouais. Ça va pas mal, ouais. Ça a été? Le week-end, tranquille, ouais. Tu remonteras le micro parce que tu parles au-dessus. Hein. Ouais, bon, ouais, on fera ouais. Ça après, on ouais, dit je bonjour, je voulais te dire un petit coucou quand même. Je vais me baisser un peu comme ça. T'es trop grand. Eh ouais, rapte ici un peu comme moi. Allez, on va se retrouver dans 3 minutes, mon Fabien. Eh ben, je ne bouge pas. Tu me dis, c'est toi qui décide, sinon dans 10 minutes. minutes. Hein. Non, 3 minutes. 3 ça minutes, va écoute, ça me va très bien. Bon, on a je ne bouge pas. Un petit remix de C'est ma faute. Hein, et puis on se retrouve juste derrière. Et c'est parti. C'est pas de ta faute. Il n'y a pas de message là. Non, il n'y a pas de message. C'est pas de ta faute, t'inquiète pas. Fabien Dumas dans 3 minutes. Casse-toi, hein, si t'en vas. Attends, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous voulez dire, Fabien? Il me dit, je m'en vais. Bah, barre, hein. Bah, écoute, s'il y a que ça, bah, barre-toi, mon gars. Sympa le remix, hein. Ouais, pas mal. C'est ma faute. C'est de la tienne. Ouais, un peu, ouais. Allez, Fabien Dumas, elle arrive. La chronique de Fabien. C'est plus la chronique, là. Ah, ce jingle, il me dit quelque chose, hein. Il est vieux, celui-là. Non, enfin, il est vieux, il a un bien. An. Il a un an. Bon, il est bien. Je le garde, attends. Il y a des jingles qui sont plus vieux à la radio. Eh bien les sûr. Jingles, ils ont 30 ans. Je suis arrivé à la radio aujourd'hui, il y a des messages partout, comme quoi il y avait une réunion. Si on voit pas qu'il y a la réunion. Ouais, alors ça tombe mal, moi. C'est ok, nous je bosse et on, ouais. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais j'organise un concert rock à mon travail, donc c'est le même jour, donc je vais pas pouvoir être à la réunion. Moi je l'ai pas raté, ils ont affiché partout. Hein. Ah bah ouais, c'est. Il y en a partout, même dans les chiottes. Heureux d'être avec toi, Fabien Dumas. Le plaisir est partagé, Francky. Est-ce que t'as été au Festival de Loire? Parce qu'on. Ouais, j'y suis allé samedi soir. Du monde, apparemment. Ouais, samedi soir, j'y suis allé. Tout Orléans était là-haut, il n'y a plus personne autour. Oui, il n'y a plus personne. Ouais. C'est un peu ça, Orléans. Ouais, mais apparemment, bon, on va en parler forcément ouais, parce que c'était un peu le. Non, samedi soir, c'était un beau feu d'artifice. Ouais, sympa. Ouais. Feu d'artifice aussi. D'artifice aussi. C'était après. Pour moi, ça. Après, moi, les fesses, tout dans les fesses. Ouais, bien sûr. Fabien Dumas, on démarre avec quoi, mon ami? Eh bien, avec le Festival de Loire. Avec, ah bah, bah, justement, voilà. Et on en parlait samedi soir, il y avait environ, combien tu dirais, à la louche de milliers. Samedi? Ouais, samedi soir, à la louche, combien de milliers de personnes? Moi, je dirais 100 000. Allez, entre 150 et 180 000 personnes étaient réunies samedi soir pour le feu d'artifice. Ah, bah, je comprends pourquoi il n'y avait personne nulle part. C'est pour ça. Les gens, ils gueulaient. Hein. Moi, j'ai des potes à moi qui gueulaient. Hein. Ouais, non, mais c'était compliqué. Ouais. Moi, j'ai des potes qui ont des commerces aux alentours, pas à Orléans, hein, je te parle un peu dans les petites villes. Ouais, ils n'étaient pas contents. Hein. Après, Moi, j'étais sur le samedi. Mon samedi, il y a un pote à moi, il a un resto, il a fermé carrément. Bah, ouais, c'est dommage. Moi, j'ai vu des photos en semaine, même le vendredi ou le samedi, c'était blindé les quais. Hein. Ouais, les quais. Et là, samedi soir, moi, j'étais rive sud et j'ai même pas pu passer de l'autre côté. Il y a la nage. Quai Châtelet, c'était blindé. Ouais. Bon, la nage, on aurait pu y aller, même à pied. Parce que bah, tu peux y aller à pied, il n'y a pas de flotte. Alors, ouais. Bon, c'est sympa le festival là quand même. Ça, c'est vrai, puis ça s'est fini hier soir avec le concert de Ronan Luce. Tranquille. Ouais, hein, mais les voisines. À 17h, ouais. Ronan Luce, c'est sympa, je l'avais fait en interview à l'époque. Il y a 5-7 ans, il avait fait les voisines. Les voisins, les voisines. Donc ça, c'était hier soir avec un peu de pluie quand même. Ouais. Il l'attendait en début de festival, finalement, elle est arrivée en fin de festival de Loire. Ça a sauvé le concert. Ça a sauvé le concert. Et puis hier matin, à 11h, il y avait le lâcher de canard sur la lâche. Lâcher des caisses. Le lâcher de caisse de canard. Ça aurait été bien. Des caisses de canard. Que des fesses sur le pont Georges V et tout le monde lâche une caisse. Pour la couche d'ozone. Donc la Ducresse, avec combien de canards dans l'eau ont été jetés? 20 000. 35 000 cette année. Record battu. Bah, ils étaient venus à la radio, en parler justement l'année dernière, un matin. Donc non, c'était des. Et pour info, les canards ont été numérotés à l'ESAT des Centarpans. Ouais, les Centarpans. Ouais, c'est à Saran, ça. Ouais, c'est à Saran. Ouais, je connais bien. Ouais, je connais aussi. Hein. Donc voilà, la Duck Race, 35 000 canards dans la Loire, dimanche matin à 11h. Il y avait une bagnole, je crois, un scooter. À gagner, ouais. Ça a été gagné, ouais, c'est bon. Ouais. Organisé par le Rotary. On a le nom du gagnant, non? On peut l'appeler? Non, il y avait le numéro du canard. Ouais, si, on peut. Ah, le numéro du canard. Ouais, t'appelles le numéro du canard. Ouais. En plus, je cherche des canards là, pour faire une sex toys party. Là. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Si, c'est le même style. Non, mais ceux-là, ils sont pas motorisés. Ah ouais, d'accord. Non, c'est du dopage dans la course de canard là. Ouais, c'est. S'il y en a un petit moteur pour qu'il arrive premier. Imagine, il y aurait un motard. C'est pas le même là. Ah, ça aurait été une arnaque en fait. Eh ouais. Ouais. Bah, peut-être qu'il y avait un truc. Hein. Non, normalement, c'était. Pas bien, dis donc. C'était réglementé par un huissier de justice, ouais, hein, je pense, ces choses-là. Ouais. Bon, ça va. C'est bon, et puis ce week-end, il n'y avait pas que le Festival de Loire, il y avait aussi les journées du patrimoine. Ouais, le patrimoine, qui sont déroulées à Orléans. Alors, on a pu voir par exemple le cloître des Minimes, ou alors les archives départementales étaient aussi ouvertes. Ah, sympa ça. Samedi, voilà. Puis d'autres, plusieurs musées étaient aussi ouvert, notamment le CERCI, le musée du mémorial des enfants du Veldive, ouais. L'hôtel Cabu, musée d'histoire et d'archéologie, ou encore c'est le beau. Centre Charles Péguy. C'est beau le patrimoine. Tout ça, c'était ouvert, voilà. Ouais. Ils ont aidé les gens quand même, parce que. Il y a eu un peu de personnes quand même, ouais. Surtout à Paris, hein, parce que Matignon et puis l'Elysée étaient ouverts. Ah ouais, on peut aller chez Macron, là. On pouvait y aller, ouais. On pouvait aller s'asseoir sur le bureau. C'est sympa, donc, ça. Et puis aussi, je voudrais tirer un bon coup de chapeau aux sapeurs-pompiers du SDIS de l'Orléanais, les pompiers d'Orléans. Salut les Orléanais, les pomplards. Ouais, qui ont parcouru 850 km pour rallier le Morbihan, où se tenait le 126e congrès national des pompiers. Ouais, ils ont été à pied, non? Non, à pied, en vélo. Hein. L'équipe termine première une nouvelle fois. Ils ont été reçus par le ministre de l'Intérieur. Ah, bravo les pompiers. Le SDIS de 45. C'est Orléans. Ah, ouais. Force Orléans, là, les pompiers. S'il y a un pompier qui nous écoute, il peut nous appeler. Hein. 02 38 43 48 00. Voilà. Si le téléphone marche. Voilà. Et puis, pour nos amis qui vont prendre les transports en commun, il y a un appel à la grève, lancé par Sud Tao. Ouais, demain, faites gaffe, il y a la grève. Hein. Voilà. Et même dans les scolaires, les cantines et tout, hein, c'est le bordel. Hein. Demain. Voilà, il y a c'est lancé par Sud Tao. C'est le tram, la Tao. Ouais. Ah merde. Bus et tram. Ouais. C'est relayé par la CGT. Il y a une partie aussi de FO qui sera présent. Donc voilà. Ça a commencé samedi. Hein, il y avait des chauffeurs et des agents administratifs qui étaient grève devant le centre de la rue de l'Albarde, centre commercial de Tao. Il y a un truc qui sonne là. C'est quoi? C'est derrière, c'est notre ami. Ah, c'est Jackie qui a pas mis son portable en silencieux. Jackie qui fait de la radio, qui arrive avec son portable allumé. Oh, il est fort. Ah, là où j'écoute. Donc voilà, ça a commencé samedi. Il y avait un barbecue géant devant l'agence commerciale de Tao. Et ça continue, hein, la grève. Surveillez donc les horaires demain. Si vous devez prendre le bus ou le tram. Moi, j'ai une info pour Fleury-les-Aubrais, parce qu'on est à Fleury. Ils ont mis sur le site de la ville de Fleury pour les périscolaires, les cantines. Ouais. Il y a un tableau qui est établi avec les bahuts, fermés ou pas fermés. Ouvert, voilà, donc allez faire un tour sur la ville de Fleury, pour Fleury les Aubrais je parle là, hein. Après le reste débrouillez-vous, je rigole, tapez sur la ville d'Orléans par exemple, vous avez des renseignements aussi, ça va être un peu galère demain, je crois. Demain je pense que faut prévoir ça risque de créer des quelques embouteillages dans les rues d'Orléans. Ça va être ça, hein. Ça va être embouteillé demain, ouais. Ça va être embouteillé, bon, il n'y avait pas que le festival de Loire à Orléans. Non, heureusement qu'on n'a pas autour de ça, sinon on meurt vite, hein. Et depuis 6 mois, parce que en fait depuis 6 mois en fait il y a une exposition tout en camon. Ah ouais, à Paris. Le trésor du pharaon, C'est la plus grosse exposition depuis tous les temps, je crois. Ils ont fait le record. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Fabien? Ça fait un dimanche soir, et justement, record battu de nombre de visiteurs. Ouais. Alors on dépasse le million, hein. 1 423 000 visiteurs en 6 mois pour ce jeune pharaon tout en camon. Il était là, non? Il était là le dimanche soir, il a signé quelque chose. Apparemment, il a fait une soirée après, ouais. Bah, ils se sont retrouvés après. Dans les cercueils, ils ont fait en boîte, dans la boîte la pyramide. je suis lourd. Non. Qu'est-ce que je suis lourd? Attends, ça va. Je suis lourd à la radio, des fois. Bon, il y avait aussi samedi des manifestations à Paris pour le climat. Ouais. Pas moins de 22 000 manifestants dans les rues de Paris pour le climat. Le climat est pas en couille. Non mais c'est vrai. J'ai vu là sur BFM. L'ambiance... qu'ils étaient en train de péter un glacier là avec des pelleteuses pour agrandir une autoroute, je sais pas quoi. Ouais. C'est on est en train de prendre la nature. Hein. La nature va reprendre ses droits, moi je vous le dis. Ça c'est ouais. Donc faites gaffe hein, si vous prenez la route des glaciers là, ça va partir en live. Donc voilà, on peut dire que ces manifestations pour le climat, c'est beaucoup de jeunes hein, qui sont mobilisés. Ouais mon frère, hein, tranquille, hein, nous le climat, c'est pas. Les jeunes nés après 2000 apparemment. Après 2000. Ouais. Donc ils ont entre 15 et 20 ans quoi. Ouais mon frère, tranquille le climat quoi. Et puis ce week-end mais aussi du sport. Ouais, du sport en chambre. Hein, donc le handball fleurissois. Ah, ils ont gagné ? Hein, les féminines, non. Non, ils ont perdu ? Elles ont perdu face à Paris 26 à 14. Elles se sont inclinées. Ouais. Mais bon, c'était un peu compliqué. Un peu trop compliqué pour elles, Paris. Ouais, Paris, c'est du lourd. Hein. Voilà. Ici, c'est Paris. Hein. Ici, c'est Paris. Il y avait l'Orléans Loire Basket également qui jouait contre Boulogne-Levallois. Ils ont gagné ? Là aussi, ils ont perdu. Ah, mince, 93 à 87. Donc, ils se sont inclinés, encore une fois. Ça les Orléanais. Le handball de Saran, contre, a gagné contre Dijon. Ah bon. 30 à 24. Voilà. Donc, peut saluer les handballeurs. Ouais, c'est à Saran, à la salle du Bois Joli. À la salle du Bois Joli, ouais. Elle est jolie, cette boîte. Elle est très jolie, j'ai animé une fois là-haut, hein, c'était sympa. Ouais. Ça marre bien là-haut. Ouais, il faisait le forum des associations aussi, Saran. Ouais, tout le monde le fait, ça. Aussi. Ça se faisait là-bas. Ouais. Sinon, il y avait du foot vendredi soir et Orléans et Le Havre. Ils ont gagné ? Non, match nul entre Orléans et Le Havre. 2-2. 2-2. Voilà. Mmh. Et puis, ça démarre aujourd'hui jusqu'au 29 septembre. Il y a l'Open d'Orléans de tennis. Ça fait des années ça, le tennis. Ouais, ça démarre aujourd'hui. L'Open de tennis. Donc, il y a Joe Wilfried Tsonga qui sera là. D'accord. Et l'ancien numéro 5 mondial pourrait en effet croiser le fer avec. Ernest Gulbis, l'ancien membre du top 10, et aussi, mais il pourrait aussi jouer contre Antoine Hoang, qui était demi-finaliste et des révélations 2018. Et Björn Borg, il sera là? Donc, Björn Borg, il sera dans les tribunes, ouais. C'est vrai? Non, mais apparemment, voilà, il y aura du bon monde face à Joe Fritzonga, ça va cartonner. Ouais, je vais sortir ma raquette, là, de 84, à l'ancienne, en bois. En bois? Je vais aller me taper, j'ai une raquette en bois. Mais l'après-midi, ils font des démonstrations un peu. Des tennis, une raquette en bois de tennis, bien sûr. À l'ancienne, quoi. À 70, ouais. Ouais, je vais y aller, là-haut. C'est Mathieu Lander qui joue avec toi, je crois. Ouais, je vais aller. Il y a un match prévu, ouais. Je vais aller taper la balle avec son gars, là. Ton gars, son gars. Son gars, avec ton gars de son gars. Oh là là, le lourd. Et puis, on finit par une petite note. La cycliste Marion Sicot clame son innocence. Hein. Bah oui. Elle a été contrôlée en championnat de France en juin dernier à l'EPO dans les traces d'urine. Mais bon, elle attend aujourd'hui l'analyse de l'échantillon B de ses urines parce qu'elle espère vraiment que le résultat sera différent. Et elle clame haut et fort qu'elle est innocente. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne la croit pas. Hein. Ouais, exactement. On termine par une petite note insolite. Ce que tu veux, mon ami. J'en ai deux si tu veux. Ah bah vas-y, on a le temps. Hein. On en fait une. Alors là, celle-là, elle est pas mal. C'est du ça se passe en Argentine. Ouais. Il y a une disparition. Chez Maradona, faites gaffe, parce que là-haut, ça. Il est peut-être pas innocent. Ah, d'accord. Non, c'est pas dit dans l'histoire, mais voilà, ça se passe en Argentine, dans les locaux de la police. Ouais. Il y a une demi-tonne de cannabis ont disparu. Ah bah ça va avec Maradona. Et donc, c'est pour ça. Mais les policiers qui étaient en charge de la surveiller, d'après ça, qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication à la disparition de ces 500 kilos de cannabis? Ils ont dit quoi? Et que c'était des souris qu'ils avaient mangé. Non, oui. Alors depuis, les policiers ont été démis de leur fonction. Tu m'étonnes. Je crois qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. Là, sont un peu, un peu quand même. Donc si vous voyez une petite souris qui traverse l'Atlantique, qui arrive à la nage et qui défonce tout, elle vient d'Argentine. Ah, elle est sympatoche. Sinon, j'en ai une autre. Ouais. Ben là, on part en Chine. Ah, vas-y, mon ami. Ça se passe à Chongqing. Chongqing, dans mon Chine. Alors, ça se passe dans un ascenseur. Il y a un jeune homme qui a eu un mauvais karma en fait. Je pense qu'il savait pas qu'il était filmé. Il y a une caméra dans le plafond de l'ascenseur. Ouais, il y en a beaucoup maintenant. Mais celle l'ignorait parce que en fait, il avait une idée, ce mec-là. Voilà, il était tout seul à l'ascenseur. Il se dit qu'est-ce que je pourrais faire. Entre le deuxième et le quatrième, je vais pisser sur les boutons de l'ascenseur. Non, il s'est fait électrocuter. Sauf qu'en urinant, ça crée un courjus derrière et l'ascenseur est resté bloqué. Il n'y a rien de manqué. Voilà. On y apprendra. Et, sauf que les autorités chinoises qui ont vu ça, ils l'ont tabassé. Alors ça se dit pas, mais en fait, je pense qu'ils pour le punir, en fait, ils ont publié la vidéo où on le voit en train de pisser sur les boutons, sur les réseaux sociaux. Donc il a été puni par sa bêtise. C'est pas malin. C'est pas très malin, mon gars. En plus, il va se faire électrocuter. Ah bah, ça me fait penser au film, tu sais, là, ouais. Avec les Morphalou. Ouais, les Morphalou. Et qu'est-ce que. Et je me rappelle. Et, je me rappelle la réplique de la fin. As-tu la réplique ouais, c'est ouais. quoi déjà et J'ai jamais vu un mec à faire. J'ai jamais vu mon mari faire autant de fin avec sa. Avec voilà. son sexe, voilà. Ouais, c'était excellent. Ah, c'est vrai que c'est très bon. Les Morphalou, ouais. Les Morphalou. Très bon film. On est des vieux. Hein. Faudrait qu'on retrouve l'extrait, tiens, sur YouTube. Là, sur et qu'on se la mette, ouais. Ouais, qu'on se la mette un petit peu. Enfin, qu'on se la mette, qu'on l'écoute, quoi. Moi aussi, j'ai vu une petite insolite vite fait. Là, j'ai vu une Australienne de 27 ans pour lutter contre le stress. Alors, il y en a qui vont faire du spa, de yoga, etc. Et bien, elle, non. Elle a trouvé une autre idée. Elle se met des araignées sur le visage. Merde, mon stylo est parti. Des grosses araignées, tu sais, ouais. sur le visage, qui marchent sur son visage. D'accord. Et apparemment, ça la déstresse. Ça la détend. Fait flipper la meuf. Faut, quand même, faut aimer. Hein. Faut, aimer. Faut être cinglé surtout. Hein. Un petit peu, ouais. Faut ouais. Bon, ça va te rappeler des souvenirs, ça, Fabien. Ça dit quelque chose, ça, yeah. ou pas Stardust. Hein. On a dansé là-dessus. Hein. Bah. Bon, bah merci Fabien. Eh bien, merci à toi. Des bonnes infos, hein, en tous les cas. En tout cas, le week-end était chargé. Ouais, hein. chargé. Chargé. Toi aussi, t'étais lourd. Toi, t'es lourd aussi. T'es lourd en bécane. Ouais. Ah, c'est quoi, là, déjà, ta bécane, la rouge, là. C'est une rouge, c'est une marque italienne. C'est quoi, bah donne, c'est quoi Ducati. Ah, ça marche bien, bien sûr. Ça. Ouais, ça salut Fabien. Salut Francky, salut à tous. Stardust sur l'arc-en-ciel pour les bons souvenirs. Sur l'arc-en-ciel avec Stardust. On a dansé, on a fait la fête là-dessus. Puis les bons plans pour sortir, on vous en parle sur l'arc-en-ciel.

desse jeito. Meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vem. Não tenha medo. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gosta. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo para controlar. Du bien de la Keys à cette heure-ci, hein, 17h55 minutes. Dans 5 minutes, c'est l'Espagne qui arrive avec Jackie et puis du son soleil et Caliente. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis on vous donne rendez-vous, ça sera jeudi pour l'After Work à la Pâte à Pain à Orme. On va faire la fête ensemble, le son du Portugal, le son latino. Ça sera à partir de 19h jusqu'à 22h. Venez nous rejoindre, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel sera là-haut en direct. Et puis on fera du son caliente avec Francky au platine. Ça sera à Orme, à Patapin, superbe établissement, tout neuf, tout beau, avec un personnel rayonnant. Du soleil sera au rendez-vous, c'est jeudi 19h à 22h. Et ça se passe à Orme, au Patapin. Lucenzo qui arrive, qui sera bientôt sur Orléans. Et ça, je vais vous en parler bientôt 6h, juste avant l'arrivée de l'Espagne. Bah, c'est le Portugal, Dame un beso. Job avec Frankie l'après-midi.